Don Rodrigue va donc provoquer et tuer le père de Chimène, le comte d'Angormas. Tout en continuant à adorer Rodrigue, Chimène ne renonce pas pour autant à venger son père. C'est alors que Don Rodrigue paraît devant elle et lui présente l'épée encore toute trempée du sang de son père.